Alors, de retour à Futur Simple, il est 18h03 et c'est François Grégoire qui vous parle. Nous allons faire un plongeon dans le monde de Spider-Man, c'est-à-dire celui des araignées. Alors, ces petites bêtes en rebutent certains ou certaines, mais notre chroniqueuse, Christiane Dupont, va nous les faire découvrir sous un autre angle. Alors, bonjour Christiane. Bonjour François. Donc, oui, comme tu viens de dire, je vais traiter des toiles d'araignées. Pourquoi parler des araignées, des toiles d'araignées? Ouais. C'est des êtres assez mal aimés, je crois, globalement. Une toile d'araignée au plafond, hein, c'est associé à un endroit mal propre, délabré. Hein. Les maisons hantées, toujours une toile d'araignée dans un coin quelque part. Beaucoup de gens ont une phobie, hein, l'arachnophobie, ont une peur bleue des araignées. Pourtant, la soie qui est fabriquée par les araignées est dotée de propriétés incroyables et jusqu'à maintenant inimitables. Mais tout d'abord, pourquoi traiter de ce sujet? En fait, aujourd'hui, la soie d'araignée intéresse la science quelque part? Ben oui, étrangement, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il y a des études qui sont faites. D'ailleurs, une étude récente qui est sortie au mois de mars, très récemment, dans la revue Biophysical Journal, qui relate l'incroyable résistance de ces toiles d'araignées-là. Donc, une équipe allemande, dont le docteur Frauke Krauter, pardon mon accent allemand, indique que les fibres de soie des araignées présentent des propriétés mécaniques spectaculaires. Elles possèdent une force comparable à l'acier, une résistance plus importante que le Kevlar. Je vais revenir sur ce qu'est le Kevlar. Une densité plus faible que le coton ou le nylon. Donc, tout en ayant ces propriétés incroyables, elle est plus légère que le coton ou le nylon. Mm-hmm. C'est fascinant. L'acier, c'est très dur, mais c'est très dense aussi, c'est très lourd. Oui, ça fait plus on parle évidemment à diamètre égal. Un diamètre égal, évidemment. Donc, les auteurs de cette étude, qui a été publiée très récemment, ont mis au point des simulations informatiques pour essayer de mieux comprendre la structure des fibres des toiles d'araignée. Parce qu'il y a deux composants principaux dans les fils de toiles d'araignée, un composant mou et amorphe, et un second qui est solide et cristallin. Donc, les segments mous donnent l'élasticité et répartissent la tension des fils d'araignée, et les cristallins donnent une solidité. D'ailleurs, petite parenthèse, au niveau local, régional, dans la région de Québec, il y a un professeur à l'Université Laval qui s'intéresse également à la toile d'araignée, Monsieur Michel Pizolet du département de chimie qui s'intéresse, lui, à la glande dans le domaine de l'araignée. Qui produit le processus de fabrication intra-araignée. Mais avant tout, Christiane, en fait, comment on pourrait définir qu'est-ce qu'une soie d'araignée? Une soie d'araignée, qu'est-ce que c'est? Bon, alors, tout le monde dit, c'est le genre de truc qu'on se pogne dedans quand on marche. Tout le monde a l'impression de le savoir, mais en réalité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bon, la soie d'araignée est une fibre de protéines filées par les araignées. Donc, c'est des protéines, déjà. Les araignées l'utilisent notamment, et ont plusieurs usages. Hein. On a l'impression que c'est juste pour prendre des proies, mais non. Ils vont faire des cocons, protéger leur progéniture ou conserver leur proie, évidemment. La soie d'araignée est réputée pour sa résistance, sa légèreté, son élasticité. Oui, comme on disait tout à l'heure. Précédemment. Et tout le monde, d'ailleurs, a déjà expérimenté un accrochage dans une toile d'araignée. Ça se tire à l'infini. On a l'impression qu'on aura beau tirer, ça ne se défera jamais. On a l'impression que ça colle. Donc, ça a vraiment des propriétés élastiques. Tout le monde, on a déjà vécu ça, je crois. Mais la prochaine fois, ils pourront les manger. Oui, c'est des très bonnes protéines. Je le suggère à tout le monde. effet très intéressant. Certaines araignées vont utiliser la soie pour émigrer. Il y a certaines grosses araignées qui vont lancer des fils un peu à tout vent et ils vont finir par se faire emporter par le vent. OK, ça sert à ça. Parce que des fois, on se demande comment ça fait qu'une espèce de fil d'araignée qui a l'air de venir de nulle part. Eh bien, on l'accroche puis on le transporte ou même le vent peut permettre aux araignées de coloniser, même d'ailleurs la colonisation de certaines îles au Pacifique. Pourquoi il y a des araignées là? Et certains marins rapportent souvent qu'ils voient des araignées, des filets d'araignées accrochés très, très loin de la terre. Donc, c'est un petit fait cocasse. OK, donc c'est très intéressant. Ça leur permet de migrer finalement. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs composantes dans le fil des araignées? Oui, bien comme je disais, donc, il y a deux composants principaux. On va parler dans les mots, parce qu'il y a plusieurs mots, disons un peu... Un vocabulaire assez précis. Les fibres de soie sont formées d'un noyau de protéines appelé spidroïnes, entourées de séricine. Voilà, pour les noms savants. Les deux composants, donc 10 à 25 % du fil, c'est la composante cristalline, donc la composante solide dont on parlait. qui est responsable de la résistance, de la solidité de la fibre. Donc, c'est vraiment cette composante-là qui est comparable à du Kevlar. Qu'est-ce que le Kevlar? C'est une invention humaine. Oui. C'est un matériau de très grande résistance qui résiste beaucoup à la traction. Donc, quand on tire, là, très résistant au choc. On utilise ça pour les gilets pare-balles ou les renforcements pneumatiques, là, très fort. Donc, ça se compare à ça. C'est quand même fascinant parce que ça soit fait dans un petit abdomen d'insectes. Oui. Hein? Pas d'insectes, d'arachnoïdes, pardon. Oui. C'est vrai que ce ne sont pas des insectes. Hein? Ce ne sont pas des insectes parce qu'on vit pas. Et 75 à 70 % du fil d'araignée est fait d'une composante amorphe qui est responsable de l'élasticité de la soie. Donc, sa taille peut s'accroître jusqu'à 35 %. Donc, on peut tirer ça sur un tiers de plus. C'est quand même impressionnant. Mais finalement, les araignées, en quoi est-ce qu'elles sont exceptionnelles? Bon. Comme je disais, les capacités, les soies d'araignée, c'est un polymère. Alors, dont la configuration moléculaire peut varier rapidement et s'adapter à la température et à l'humidité. Donc, ce qui fascine beaucoup les chercheurs en bioinformatique et en robotique, parce que c'est des choses qu'on essaierait d'inventer, puis on n'a pas encore, on ne maîtrise pas encore cet art-là autant que l'araignée. La soie d'araignée est notamment capable de super-contraction, donc ça peut contracter beaucoup. Quand elle s'humidifie, elle peut s'humidifier très rapidement. Donc, on appelle ça de l'hygrométrie, c'est-à-dire qu'elle a la capacité d'emprisonner des molécules d'eau dans sa structure et ainsi résister à l'humidité. Quand elle est mouillée rapidement, ben elle s'étire rapidement. Elle capte l'eau rapidement. Et vice-versa. C'est aussi que des toiles peuvent résister à la pluie et au poids de la rosée. Oui, parce que souvent, on voit des toiles d'araignée pleines de gouttes de rosée. Oui, pleines de gouttes de rosée. Puis s'il pleut, bon, j'ai l'impression qu'une onde très, très puissante doit détruire un peu la structure, mais sans nécessairement tout détacher. Un tsunami doit détruire ça. Oui, là, j'imagine que les araignées japonaises ont peut-être plus de difficultés. on va me penser, mais plus pour les Japonais que les araignées. D'ailleurs, il y a aussi une thermostabilité, donc va varier selon le degré de supercontraction. Donc, il y a vraiment un ajustement à la température, s'il fait froid, s'il fait chaud. C'est un détail. Donc, c'est très intéressant. Une force de tension qui est comme l'acier, mais avec un cinquième seulement de la densité. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et on prend un fil d'araignée et on fait le tour de la Terre. On tire, là, on tire. Le fil au complet pèserait seulement 500 grammes. C'est quand même incroyable. Incroyable. Alors, c'est la Terre, c'est long. C'est quand même long, donc c'est très, très élastique et c'est aussi résistant que le nylon aux déchirures. Oui. Alors, c'est facile. C'est le matériau de l'avenir. je vais continuer sur les usages que les humains pourraient faire des soies d'araignée. Il y a des écrits qui montrent, un peu, peut-être pas maintenant, que certains explorateurs utilisaient l'étoile d'araignée pour les plaies ouvertes. Même sur les humains, ça aiderait à la cicatrisation de par les propriétés antiseptiques des soies d'araignée. Okay. Des pêcheurs indo-pacifiques vont faire des filets pour des petits poissons avec les soies d'araignée. Donc, si on pouvait maîtriser la fabrication industrielle, ça donnerait beaucoup de possibilités. Mais est-ce qu'on peut justement fabriquer des soies à grande échelle? Oui, on peut, mais on n'a jamais réussi à en faire d'aussi bonnes que ce que l'araignée fait. Il y a beaucoup d'études, de travaux là-dessus. Parce qu'on ne pourrait pas faire des élevages d'araignées, hein, parce que les araignées sont cannibales entre elles. C'est très difficile, on ne peut pas, là, ce serait vraiment trop compliqué. Donc, une solution, c'est demander à l'aide de petites transformations génétiques, de demander à un autre être vivant de fabriquer de la soie. Ben oui, à partir des gènes, finalement, de l'araignée. Ça a été fait avec une chèvre. Le lait de chèvre, ça a été réussi. Ils ont manigancé un petit peu pour faire qu'une chèvre, avec son pis, fabriquait à travers son lait maternel de la soie. Mais qui se trouvait dans le lait, là? Oui, c'est ça, des protéines de la soie d'araignée dans le lait, sauf que les propriétés n'étaient pas les mêmes. C'est la même nature, mais les soies étaient beaucoup trop épaisses. Il n'y avait pas les propriétés fines de l'araignée. Également, ça a été réussi via Escherichia coli, qui est un micro-organisme, une bactérie. Ouais. Ça a été réussi de demander à un ver à soie, qui fait déjà de la soie, de juste faire un autre type de soie, c'est-à-dire la soie d'araignée. Donc, parce que j'imagine que la soie de ver, c'est peut-être moins résistant que c'est un peu différent. Donc, il y a des travaux qui sont faits là-dessus, mais il n'y a rien à grande échelle à date. Donc, il y a quand même des pistes. geste qui permettrait peut-être à l'homme, effectivement, en manipulant les gènes, d'en arriver à exactement. Ça. Puis, dernier petit fait cocasse, saviez-vous qu'à Madagascar, il y a la seule pièce de tissu qui a été faite en fil d'araignée. C'est à Madagascar, c'est 3 mètres par 1 mètre environ. Et il y a 82 personnes qui ont travaillé pendant 4 ans pour amasser plus de 1 million d'araignées, qui s'appellent araignées Néphila, pour récolter la soie et faire cette étoffe de tissu. Moi, j'admire leur patience infinie. Et je ne sais pas à quoi ils servent finalement, ce bout de tissu-là, mais c'est quand même, là, dans le record Guinness, quelque chose comme ça. Il doit être extrêmement résistant. Oui, ça, c'est certain. Alors, nous, entre-temps, on va continuer d'utiliser le coton puis les fibres synthétiques. Oui, jusqu'à... Encore un petit bout de temps, on pourrait voir les toiles d'araignée dans le coin de nos plafonds sous un autre œil maintenant. Oui, c'est fait. Et il serait intéressant éventuellement peut-être de parler aussi à M. Pézolet de l'Université de Laval, qui, comme tu disais, travaillait... Ça serait très, très intéressant pour voir comment ça se fait dans l'abdomen de l'araignée. Oui. Alors, entre-temps, nous allons passer à une pause musicale. Après quoi, on va revenir avec... Attends une minute. En fait, avec notre astronome.